That's jazz music you're listening to. No, it's jazz. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar, drunk with her boys. Give me fever. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. Heures, bienvenue au Club Jazzafi pour un long flirt avec le jazz des années 70, de la France au Brésil, en passant par la Slovénie, l'Angleterre ou les États-Unis. Pour du jazz rock, du jazz expérimental, du jazz électro ou du jazz funk, on ferait n'importe quoi. On ferait. Enfin, sur le papier, c'est tout réfléchi, vous pensez bien. Bertrand Burgala est à la programmation du Club Jazzafi ce soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Charlie Adélaïde. Alors, votre 27e Club Jazz Afip, ai-je appris, démarre dans les pas d'un sorcier ou d'un magicien, O Bruxo, c'est comme ça qu'il se fait appeler, le multi-instrumentiste brésilien Hermeto Pascoal, musicien hors du commun pour qui Miles Davis avait une grande admiration. Mais oui, mais il est toujours en vie. Et il n'y a pas, oui, il y a pas que de la musique des années 70. Il y a beaucoup de musiciens d'aujourd'hui quand même, comme Louis Cole aussi. Mais c'est vrai, il est 19h. Certaines personnes sont en voiture, peut-être sous le tunnel de Rocancourt pour les Parisiens. Donc il faut la... Je ne sais pas où en est la circulation. Demain, c'est le lundi de Pentecôte. La station Concorde commence à être fermée. Donc il faut la musique de la joie. Et c'est vrai que la musique de la joie, c'est notamment Hermeto Pascoal. On l'écoute. Thank you. switch in norte, sul, este, oeste, autrement dit suite nord, sud, est, ouest, parce qu'on aime vous faire voyager aux quatre points cardinaux au Club Jazz à Fip. C'était le brésilien Hermeto Pascoal à l'instant. Et à présent, Bertrand, c'est un album étonnant et plein d'humour paru en 1974 de Martial Solal. Exactement. Locomotion. Locomotion, et avec un morceau qui s'appelle Cheval qui rit vendredi, avec du piano, du Rhodes, toujours cette virtuosité extraordinaire de Martial Solal. Et qui est à la rythmique? C'est Bernard Lubat et Henri Texier, yes, c'est ça? Tout à fait. Formidable. Fine fleur de jazz. Oracle, Bombs Away Ballet, extrait de l'album City Slickers. Shirley, c'est un disque que j'ai acheté à Dijon, à sa sortie. Eh bien. Sur les conseils d'Edouard Rummel, qui venait d'ouvrir un magasin café, le Polar Pub. Et je vois qu'il a ensuite ouvert une librairie à Dinan. Et je voudrais lui rendre hommage, parce que Edouard Rummel, c'est l'exemple à la fois d'un musicien trompettiste, mais un passeur, et qui a fait beaucoup pour faire connaître plein de musique. Et voilà, cet album, il n'est absolument pas réédité. C'est produit par Théo Macero. Yali Rittenhour à la guitare sur deux titres. Et voilà, je trouve qu'il est assez dans ce genre virtuose, assez formidable. We'll be right back. pris le wagon pour la Slovénie au Club Jazz à FIP, un pays que vous affectionnez beaucoup, Bertrand Burgala, puisque vous y avez enregistré. C'est le Reviski Orchestra RTV Ljubljana. C'est l'orchestre de la radio-télévision, voilà, en fait. Simplement. Et on est, oui, c'est difficile d'imaginer, mais on est à Opatija, donc en Croatie, sur la côte d'Almat, en 78. Et c'est l'orchestre de la radio-télévision slovène. C'est composé et arrangé par Miljenko Prohaska. Et c'est vrai que le mois dernier, j'avais commencé un peu sur la Slovénie avec September, et maintenant on tire sur la flotte. Quand même, l'album s'appelle Journée de la musique pop yougoslave. Donc, c'est quand même assez savoureux. C'est quand même extraordinaire, quand même. Parce que quand j'étais là-bas dans les années 80, effectivement, le dimanche après-midi, sur la radio nationale, on entendait l'orchestre qui jouait en direct. Et des choses comme ça, et c'était prodigieux. Et maintenant, on peut les écouter. C'est chouette. Et maintenant, oui, puisque la Slovénie fait votre bonheur, on y reste ? On y reste avec Petar Ögrin, un autre grand musicien slovène. Thank you. Bezeo, le titre de ce morceau de Petar Ogrin, musicien slovène que nous a fait découvrir Bertrand Burgalas ce soir. Et on va enchaîner avec un peu de blues britannique à l'aube des années 70 avec Long John Baldry. Oui, ben c'est un personnage, un musicien, un chanteur très important qui a influencé toute la scène blues britannique, des Beatles à Rod Stewart, à Elton John ou aux Stones. Et vraiment, il a fait des disques remarquables. Alors, on va écouter Henry Hanna's 42nd Street Parking Lot de Long John Baldry au Club Jazz FIP. I went downtown on a sunny day at the wheel of my brand new car. Then I tried to find a handy place to park where I wouldn't have to walk too far. So I drove around for a half an hour, just looking for a likely spot. Then I saw a sign saying Henry Hanna's 42nd Street parking lot. So I drove right up, and the man inside put his coffee down and checked me in. He had a dark blue shirt and a Panama hat and a 4-inch scar on his chin. He sent me up to the second floor where the air was still and hot. And I parked my car at Henry Hanna's 42nd Street parking lot. The engine stopped. I found myself looking right down the barrel of a gun. A voice saying, hey boys, don't you make a move. For 30 days I'm on the run. And I need your car and another suit and all the money you got. Well, it happened that way at Henry Hanna's 42nd Street parking lot. I got right out and I quickly saw the 4-inch scar on the chin. I said, you're the man with a Panama hat that kindly checked me in. He said, that's right, and I do regret, you're the second guy who's gonna get shot on the second floor at Henry Hanna's 42nd Street parking lot. Well, I gotta admit, I was scared a bit, and I thought of my wife and my kids. So you can put the blame on the coward and me for doing what I finally did. I gave him my suit and the keys to the car and all the dollar bills I got. Then I ran like hell from Henry Hanna's 42nd Street parking lot. Well, I drove downtown later on that day in the back of a black police car. But we couldn't find Henry Hanna's place or a man with a 4-inch scar. Then at last the truth began to dawn on me. I'd been the victim of a devious plot. 'Cause there's no such place as Henry Hanna's 42nd Street parking lot. Took me home in my vest and shorts, a confused and a nervous man, trying to think of a better excuse my wife might understand. But I've lost my wife and I've lost my job, and the rest is best forgot. You can blame it all on Henry Hanna's 42nd Street parking lot. So if you drive downtown on a sunny day when the air is still and hot, don't park your car at Henry Hanna's 42nd Street parking lot. 'Cause there ain't no such place, baby. Thank you. On s'est laissé gagner avec plaisir par l'atmosphère cinématographique de cette interlude B nocturne. Un morceau de Lenny White, un morceau qui figure sur son deuxième album intitulé Big City, où il y a tout plein d'artistes invités comme Herbie Hancock ou Ian Hammer. Et ce morceau, c'est un peu une exception. Mais souvent, les disques de batteur, il y a des morceaux sans batterie, comme chez Elvin Jones. Et c'est vrai que dans son disque, il y a Neil Sean, Bernie Maupin, qu'on va entendre maintenant. Mais je trouve que c'est une minute vingt d'une splendeur extraordinaire. C'est orchestré par Michael Gibbs et c'est composé par Lenny White et Don Blackman. Et on enchaîne avec Maupin. Bernie Maupin, même année, arrangé par Onare Allen Gump. C'est produit par Pat Gleason. Il y a Patrice Rushen au clavier. Et c'est du jazz planant, vraiment magnifique. Eh ben, allez, on plane. de la bossa nova avec un peu d'orgue, un peu de clavecin électrique à l'instant avec le brésilien Walter Wanderly et dans les chœurs les voix de Flora Plourim et Stella Stevens notamment. Exactement, et c'est en 69 sur le label City High de Creed Taylor. Et je trouve qu'il y a un sens des registres qui est chez Walter Wanderly qui est formidable et qu'on retrouve dans ce qu'on entend maintenant. Santana. C'est un extrait de l'album Borboleta. Et Borboleta et Caravanserai, c'est deux disques merveilleux de Santana qui ne sont pas forcément les plus connus. Et où il est vraiment d'une subtilité assez incroyable. Et moi, j'avais découvert ça à Colmar à l'époque. Chez le frère d'un ami, Alexandre Pourchaud, qui m'avait dit, il y avait Caravanserai, il avait le disque, il m'a dit, ouais, c'est pas bien. Et en fait, j'avais écouté, j'avais trouvé ça génial. Et pourtant, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc, c'est bien, il ne faut pas toujours se laisser influencer. Mais vraiment, voilà, Caravanserai et Borboleta, si vous ne les connaissez pas, jetez une oreille, c'est génial. Et toujours un peu dans ce jazz planant. Et... Avec au saxophone Jules Broussard, notamment Aspiration, Santana, laissez-vous gagner par cette transe mystique. Bye. tsunami d'électronique et de jazz fusion au Club Jazz à FIP avec la musique avant-gardiste du claviériste français Benoît Wiedemann. Bertrand. Et oui, ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de Patrick Gauthier, et, qui est lui aussi passé par Magma. Et Benoît Wiedemann, lui aussi, donc, a joué dans Magma, et c'est sur son deuxième album solo, Tsunami. Et je trouve que c'est d'une grande modernité. Le début pourrait être du Domi et Gigi Debec ou du Thundercat. Et voilà, ça a très bien vieilli. Morceau Benoît qui a Wiedemann. Été enregistré dans les années 70 aussi, à la fin des années 70. Oui, exactement. Au château d'Hérouville notamment, ce château en Île-de-France qui a vu passer des grandes stars du rock. Et d'ailleurs, maintenant on va écouter quelqu'un qui représente un peu la suite de ça, on va dire, qui est Louis Cole. Et c'est des concerts qu'il a fait il y a presque deux ans avec le Métropole Orchestre, qui est cette formation extraordinaire. Et lui-même qui est producteur basé à Los Angeles, il me semble. Oui, c'était un batteur multi-instrumentiste. Et il a fait une série de concerts avec cette phalange incroyable, le Métropole Orchestre, dirigé par Jules Buckley, donc, qui est un orchestre néerlandais. Et ça sort enfin en septembre chez Brent Feeder. Et c'est le premier extrait de cet album, et je pense que c'est probablement son meilleur disque parce que c'est le plus organique. Souvent Louis Cole fait des choses un peu avec les moyens du bord, et là donc c'est enregistré en concert et c'est le premier extrait. Et ça s'appelle Things Will Fall Apart. Au début de cette semaine, lundi, un grand musicien nous a quittés. Il s'agit de Christian Escoudé, guitariste de jazz qui venait d'Angoulême. Un grand nombre d'albums enregistrés tout au long de sa carrière et Marjolaine Portier-Kaltenbach et François Lacharme lui ont rendu hommage dans le club du lundi. Hier soir, un club Jazz à FIP entièrement dédié à sa mémoire, avec Thomas Curbillon notamment la programmation. Et ce soir, Bertrand, quel morceau avez-vous choisi ? J'ai choisi un morceau avec Didier Levallet à contrebasse, Bernard Luba à la batterie qu'on avait écouté tout à l'heure avec Martial Solage, Siegfried Kessler au clavinet qu'on écoute actuellement et Didier Lockwood au violon. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'était dans ce projet, je crois, initié par Didier Levallet, et où on voit toute la tout le brio aussi qu'on va bientôt entendre de Christian Escoudé. Paysage intime à suivre au Club Jazz à FIP. Phare sur Light Steps au Club Jazz à FIP tiré de New Souria. C'est un nouvel album du pianiste Francis Lockwood, le frère de Didier Lockwood, qui est avec le violoniste Johan Renard. C'est sorti en février dernier, je crois. Exactement. Et il y a quand même un lien avec les années 70, vous n'allez pas me la faire. C'est que Souria, c'est le nom du groupe que Didier Lockwood avait fondé en 79. Bravo, je vous félicite. Mais oui, il y avait Jean-Mi Truong à la batterie, Sylvain Marc à la basse et Luc Plouton au synthé à l'époque. Et là, c'est toujours Francis Lockwood au piano. Et maintenant, effectivement, Johan Renard au violon, Henri Dorena à la basse et Frédéric Sicard à la batterie. Et c'est très chouette, on est très heureux d'entendre cette nouveauté. Thank you. Au milieu du chaos du monde, le pianiste et compositeur britannique Gordon Beck et cette early morning, alors en décalage avec la temporalité, mais en parfaite adéquation avec notre aspiration à la beauté. Oui, et puis on n'est pas écouté que sur ce fuseau horaire. C'est vrai. Donc vous faites bien. Je pense que c'est le matin, par exemple en Nouvelle-Calédonie. Oui, comme le Lenny White, c'est tout ce que la musique peut avoir de beau. Et dans ces quelques notes de Gordon Beck, elles sont vraiment merveilleuses. Et on a enchaîné avec un autre pianiste. Il est américain, il s'appelle Fred Hersch. Et il nous fait goûter à nouveau au plaisir de la juste note dans une ambiance contemplative dans son tout nouvel album. Un enregistrement de piano solo paru chez ECM. C'est Silent Listening, notre album jazz de la semaine. Fred Hersch était au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés hier et aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans le club Jazz à Fip avec le morceau Star Crossed Lovers. Oui, c'est un de mes morceaux préférés au piano de Duke Ellington. C'est la fin de ce club. Merci beaucoup, Bertrand Burgalin, pour merci, la programmation. Merci, Charlie Adelaide. Merci beaucoup. On remercie Maxime Barré à la réalisation et Dimitri Paz à la technique. L'émission est à retrouver dès ce soir en podcast sur FIP.fr et l'application Radio France. À suivre, pas de certains LEMFIP exceptionnellement, mais une émission spéciale à Rock, le fameux festival pluridisciplinaire de Saint-Brieuc qui s'est déroulé de vendredi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Alors rendez-vous à partir de 20h30 sur nos ondes. Très belle soirée à toutes et à tous à l'écoute de FIP.